Ho Yong-bo, chef de département du ministère coréen des Affaires étrangères et sa suite ont visité la Guinée équatoriale. Le chef de département a rendu une visite protocolaire au secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, remplaçant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation. Il s'est entretenu également avec le vice-ministre de la Santé publique et du Bien-être public, et aussi avec le directeur général chargé de l'Asie et du Pacifique du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On a conclu le texte d'entente sur la coopération entre le ministère coréen des Affaires étrangères et le ministère équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération et discuté d'intensifier le va-et-vient des délégations de divers niveaux et de développer la coopération dans divers domaines comme l'agriculture et la santé publique.